Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un dessin animé pour toute la famille. À la mort de son père, Petit Pierre, un jeune meunier, hérite d'un étrange chat qui parle comme un humain et semble doué de pouvoirs magiques grâce à de bien belles bottes. Ce chat baratineur, chanteur et danseur, va tout faire pour que son jeune maître, éperdument amoureux de la princesse Manon, puisse la conquérir. Mais sur leur chemin, ils rencontreront l'infâme chambellan du roi et son horrible bossu, ainsi qu'un méchant ogre pas joli du tout. C'est l'histoire d'un chat, d'un jeune meunier et d'une princesse. Mais je suis pas un chat ordinaire, je suis le chapoté. Toujours ton rêve de princesse inaccessible. Elle est si belle. Ta vie va changer. Tu épouseras la princesse. Alors comment ça t'as arrêté le lait, toi? Sob. Je suis sob. Il faut trouver un mari à notre princesse. Qu'est-ce qu'il dit, lui? La princesse n'épousera qu'un danseur d'exception. Et pourquoi pas un chambellan? Tous ceux qui tournent autour de la princesse, changez en crapaud. Il a un château magnifique. Mais t'es fou, il y a l'or là-dedans. Cette histoire va mal finir. La véritable histoire du chaboté. Vous l'avez compris, c'est pour rire et c'est un DVD MK2.